Le musée d'éducation de classe de la ville de Kaesong a nouvellement exposé des dizaines de pièces probantes et données témoignant l'agressivité et l'atrocité des impérialistes américains. Ce sont notamment les publications et diplômes sur les activités à Kaesong des missionnaires américains avant-coureurs de l'agression contre la Corée pour le serment des idées serviles et pro-américaines à travers les églises et le collège de jeunes filles. Il y a aussi les cheveux, chaussures en caoutchouc, boucles de ceinture et clés des habitants innocents massacrés par les impérialistes américains lors de la dernière guerre de Corée aux environs du réservoir d'eau de la commune de Haepyeong et à la commune de Ryohyun de Kaesong. On peut voir également les balles et douilles américaines découvertes aux mêmes endroits.